Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et on va rester dans le thème de l'alimentation, mais l'alimentation animale, plus précisément l'alimentation des oiseaux avec les mangeoires. Alors Valérie va nous raconter comment le fait de nourrir les oiseaux peut influencer l'évolution des oiseaux. Alors Valérie, il me semblait que l'évolution était un phénomène qui se passait sur de longues périodes, voire des siècles, voire des millénaires. Et là, ça ne fait pas des siècles que l'on met des mangeoires pour nourrir les oiseaux. Donc, est-ce que ça suggère que l'on peut voir l'évolution sur une courte période? Ben oui, c'est exactement ça. Alors, il est vrai, comme tu le dis, que les espèces évoluent sur des longues périodes. Donc, on peut le voir avec la lignée humaine. On sait que l'Homo sapiens existe depuis plus de 100 000 ans. Et il nous ressemblait. On peut le voir aussi avec le cheval. On a toute une série de fossiles qui montrent l'évolution depuis des lointains parents des chevaux d'il y a des milliers d'années jusqu'au cheval qu'on connaît. Mais il faut garder en tête que l'évolution continue et qu'elle fonctionne par petits sauts et qui font évoluer les espèces. Et une espèce ne se transforme pas d'un seul coup en une autre espèce, mais à l'intérieur d'une espèce, il y a une population, parce qu'elle vit dans des conditions différentes, qui peut se différencier d'une autre population. Donc on a deux populations, donc deux groupes distincts d'une même espèce, et qui sont donc dans des endroits différents et qui vivent, qui ont des morphologies peut-être différentes. Et si, pour une raison donnée, ces deux populations ne sont plus en contact, eh ben, elles ne vont plus se croiser. Et à long terme, peut-être qu'elles donneront deux espèces différentes. Alors, ces petites transformations d'une population peuvent se passer sur des temps relativement courts et même suffisamment courts pour être observés à l'échelle d'une vie humaine. Et donc, les mangeoires entraîneraient ce genre d'évolution à court terme? Ben oui, alors évidemment, il ne faut pas généraliser, mais oui, il y a des exemples. Il y a par exemple l'exemple de la fauvette à tête noire. C'est un petit passereau qui vit dans le nord de l'Europe. Et comme elle est dans le nord de l'Europe, elle aime bien aller chercher un peu de chaleur en hiver. Donc, elle migre au sud, autour du bassin méditerranéen, en hiver. Et en chemin, ces oiseaux sont passés par la Grande-Bretagne et ils ont trouvé à manger dans les mangeoires. Et certaines de ces fauvettes, se sont mises à passer l'hiver en Grande-Bretagne plutôt que de continuer leur route jusqu'au sud. Uh-huh. Et d'après des chercheurs ornithologues qui étudient cet oiseau, ça s'est passé dans les 30 dernières années. Bon, et puis effectivement, avant, on avait peut-être d'autres soucis en tête que de mettre des mangeoires aux oiseaux. Et bon, ça ne s'arrête pas là. C'est que pour faire un long voyage de la Suède jusqu'au sud de l'Europe, voire l'Afrique du Nord, il faut des ailes performantes, efficaces. Il y a donc une pression de sélection qui sélectionne les oiseaux aux ailes pointues, qui sont plus économes en énergie. Mais pour aller de Suède à l'Angleterre, on n'a plus besoin de la même performance de vol. Donc, on n'a plus besoin d'avoir des ailes aussi pointues. Uh-huh. Donc, on n'a plus la même pression de sélection pour sélectionner les fauvettes à ailes pointues. Et bah, le résultat, c'est que les fauvettes à tête noire qui passent l'hiver en Grande-Bretagne ont les ailes plus arrondies que celles qui continuent leur route au sud. Donc, un effet d'évolution là, depuis les 30 dernières années qui ont arrondi les ailes des fauvettes qui restent en Grande-Bretagne. Donc les mangeoires en Grande-Bretagne ont entraîné un changement dans la forme de l'aile, mais ce n'est pas en lien direct avec la nature des aliments dans les mangeoires. Non, les ailes qui deviennent arrondies, effectivement, ça ne résulte pas du type de nourriture que les fauvettes trouvent dans les mangeoires en Grande-Bretagne, mais les changements morphologiques de ces fauvettes ne se sont pas arrêtés à la forme des ailes parce que en fait le bec aussi a changé. Le bec de ces fauvettes anglaises ont maintenant un bec plus étroit. Et là, c'est bien dû à la qualité de la nourriture qui est offerte dans les mangeoires. Bon, il faut savoir que la forme du bec et la longueur des ailes sont aussi des... En fait, c'est des caractères héréditaires. Il y a une base génétique derrière une aile arrondie ou longue, ou derrière un bec plus ou moins gros. Donc, en fait, avec la nourriture qui était présente dans les mangeoires au Royaume-Uni, ça nécessitait pas la même forme du bec que ce que les oiseaux trouvent dans le milieu naturel. Uh-huh. Donc, il y a une base génétique derrière ces changements. Et donc, on a un cas d'oiseau qui a évolué en quelques décennies parce qu'il avait à sa disposition de l'alimentation dans les mangeoires. Et si je comprends bien, ce ne serait pas un cas isolé. Il y aurait d'autres exemples où des mangeoires entraînent une transformation chez une espèce d'oiseau? Alors, il y a un autre cas connu qui se passe au Galapagos. On va aller chercher un petit peu de chaleur au Galapagos, ça va nous faire du bien. Donc là-bas, il y a des pinsons. ceux-là même que Darwin a observé d'ailleurs et qui ont semé dans la tête de ce naturaliste les graines de la théorie de l'évolution. Donc en fait, il y a plusieurs espèces de pinsons aux Galapagos qu'on regroupe de façon plus générique sous l'appellation les pinsons de Darwin, mais ce sont en fait plusieurs espèces. Il y a 14 espèces de pinsons aux Galapagos et il y a une espèce qui présente deux formes différentes. Donc on parle bien d'une même espèce qui existerait sous deux formes différentes, une qui a un gros bec et une à petit bec. Et tout comme chez les humains, on trouve des humains qui ont les os larges, épais, et puis d'autres qui ont les os plus fins. Chez les pinsons, il y a des pinsons à gros bec qui mangent des grosses graines et des pinsons à petit bec qui mangent des graines plus petites et plus tendres. Et ces pinsons à petit bec mangent des graines plus petites parce qu'ils ne sont pas outillés pour manger des grosses graines. Et est-ce qu'il y a aussi des pinsons avec des becs de taille intermédiaire? C'est une bonne question parce qu'effectivement, je dis chez les humains, il y a des humains avec des os larges et des humains avec des os fins, mais il y a aussi les intermédiaires qui existent. Donc, est-ce qu'il existe des pinsons à bec intermédiaire? Eh bien non, il n'y a pas de pinsons avec des becs intermédiaires parce qu'ils seraient désavantagés par rapport aux petits becs pour manger les petites graines. Les petites becs, c'est plus facile pour manger les petites graines. Et ils sont désavantagés par rapport aux gros becs pour manger les grosses graines. Et un bec intermédiaire serait pas assez gros pour casser les grosses graines. Et sur l'île où ils sont, ils ne poussent pas de plantes qui donnent des graines intermédiaires qui pourraient, eux, les avantager, ces éventuels pinsons à bec intermédiaire. Donc, on a bien deux populations distinctes de cette espèce de pinson. Et ces deux populations pourraient éventuellement évoluer vers deux espèces différentes parce que faut penser qu'avec la forme du bec vient aussi le chant. Un gros bec ne va pas faire un son, le même son qu'un bec fin. Tout à fait. Et avec le chant vient la parade nuptiale, l'accouplement. Donc on pourrait imaginer une sorte d'isolement reproductif entre les pinsons à gros bec et les pinsons à petit bec, avec les pinsons à gros bec qui reconnaîtraient leurs congénères qui ont aussi des gros becs et les petits becs qui reconnaîtraient les petits becs. Donc les gros becs se croisent avec les gros becs, les petits becs avec les petits becs. Donc à long terme, ça aurait pu donner deux espèces différentes. Mais comme on parlait de mangeoires, j'imagine que des mangeoires sont arrivées dans le décor? Ben oui, en fait, c'est ça. Il y a des mangeoires. Alors, pas exactement des mangeoires, mais il y a des humains qui sont arrivés dans le décor, qui vivent dans une petite ville qui a grandi. Et dans une ville, il y a des déchets alimentaires et peut-être aussi des mangeoires. Donc, bref, il y a une nouvelle source de nourriture qui est arrivée pour les pinsons, qui est différent de la nourriture naturelle que les pinsons trouvent dans la nature. Et donc, dans cette nourriture d'origine humaine, les pinsons ont trouvé du riz, des croustilles, d'autres choses. Et pour manger cette nourriture d'origine humaine, eh bien, un bec intermédiaire fait très bien l'affaire. Donc, près de cette ville, les deux populations de pinsons, donc ceux qui ont les gros becs, ceux qui ont les petits becs, ont tendance à fusionner en une seule population. Et là aussi, ça s'est passé seulement en quelques années. Et ça, ce sont les travaux d'un chercheur de l'Université McGill qui s'appelle Andrew Hendry, qui s'intéresse à ces phénomènes d'évolution rapide chez les pinsons de Darwin, mais aussi chez des poissons. Et faut savoir en fait que les pinsons de Darwin sont suivis par plusieurs chercheurs autour du monde. Depuis longtemps en fait, c'est un peu un laboratoire naturel pour observer l'évolution parce que c'est un système assez simple où il n'y a pas tant d'espèces de plantes, il n'y a pas tant d'espèces d'animaux, d'oiseaux. Donc, on peut assez facilement voir les interactions entre les différentes composantes de l'écosystème. Eh bien, peut-être que deux espèces étaient en train de naître, mais à cause de l'alimentation humaine, elles refusionnent. C'est bien ça, oui. Alors, comme quoi les activités humaines influencent le chemin d'évolution. Mm-hmm. Alors, merci beaucoup Valérie, c'était vraiment très intéressant. On va passer en pause publicitaire sur CKRL 89.1. Au retour, on vous parle de changement climatique, de crues, d'eau souterraine, de développement du territoire avec l'INRS. À tout de suite.